بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Quand le ciel sera déchiré suivant l'ordre assigné par son maître, quand la terre sera étendue, qu'elle rejettera ce qu'elle contenait et s'en déchargera, suivant l'ordre assigné par son maître. Ya ayyuha l'insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô toi mortel, tu ne cesseras d'œuvrer dans la direction de ton Seigneur, et tu le rencontreras. Alors, celui qui recevra le livre de son bilan par la main droite sera jugé avec indulgence et s'en retournera heureux vers les siens. En revanche, celui qui recevra son livre par derrière son dos criera au malheur, car il sera voué au brasier. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Il était joyeux parmi les siens. En vérité, il ne croyait pas qu'il serait ressuscité. Mais si. Son maître connaissait tout ce qui le concernait. Eh bien, je jure par le crépuscule, par la nuit et tout ce qu'elle recouvre, et par la lune dans toute sa plénitude, que vous, humains, remonterez les étapes. L'une après l'autre. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Pourquoi donc les infidèles refusent-ils de croire? Et quand on leur fait entendre le Coran, pourquoi s'abstiennent-ils de se prosterner? بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. Pis encore, ils traitent le Coran de mensonge, mais Allah sait bien ce qu'ils ont dans le cœur. Pour toute bonne nouvelle, annonce-leur un douloureux tourment. Sauf les croyants qui accomplissent des œuvres pies auront une récompense généreuse.